pris sur le vif. Écoutez. Dernier point à l'ordre du jour, le bruit dans les ateliers. Le niveau sonore dépasse les normes partout dans l'usine, mais surtout près de la presse à emboutir. Je ne suis pas d'accord. Les contrôles qui ont été faits par les services de la sécurité sociale ont montré qu'en aucun cas nous ne dépassons les normes. Des efforts importants ont déjà été réalisés. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais nous pensons qu'il est indispensable que la lutte anti-bruit soit intensifiée. Répétez. Dernier point à l'ordre du jour, le bruit dans les ateliers. Le niveau sonore dépasse les normes partout dans l'usine, mais surtout près de la presse à emboutir. Je ne suis pas d'accord. Les contrôles qui ont été faits par les services de la sécurité sociale ont montré qu'en aucun cas nous ne dépassons les normes. Des efforts importants ont déjà été réalisés. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais nous pensons qu'il est indispensable que la lutte anti-bruit soit intensifiée. Écoutez. Papa, est-ce que tu pourrais me trouver un petit boulot pour cet été? Je voudrais bosser en juillet. Ah bon? Je croyais que tu allais avec des copains en Écosse. Oui, mais Philippe et Marc ont été collés à leur examen. Il faut qu'ils bossent pour septembre. Comme ça, je pourrais m'acheter une moto. Quand je te l'ai proposé il y a 2 mois, ça ne t'intéressait pas. Alors maintenant, débrouille-toi tout seul. Répétez. Papa, est-ce que tu pourrais me trouver un petit boulot pour cet été? Je voudrais bosser en juillet. Ah bon? Je croyais que tu allais avec des copains en Écosse. Oui, mais Philippe et Marc ont été collés à leur examen. Il faut qu'ils bossent pour septembre. Comme ça, je pourrais m'acheter une moto. Quand je te l'ai proposé il y a 2 mois, ça ne t'intéressait pas. Alors maintenant, débrouille-toi tout seul. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe encore? Paul, de quoi te mêles-tu? Laisse ta sœur tranquille. Mais elle se trompe. Son problème est faux. Raison de plus. Laisse-la le faire toute seule. Répétez. Qu'est-ce qui se passe encore? Paul, de quoi te mêles-tu? Laisse ta sœur tranquille. Mais elle se trompe. Son problème est faux. Raison de plus. Laisse-la le faire toute seule.